Bonjour à tous et à toutes, bonjour et bienvenue sur Radioactive pour une nouvelle émission Les Retraités s'activent. Eh bien figurez-vous que c'est la 8e déjà, eh oui, 8e émission qu'on va réaliser ensemble. Alors aujourd'hui on est accompagné de Yvette, Michel, Christiane, Gérard, Marcel, Morissette et Monique. Bonjour à toutes et tous. Et la thématique dont on va parler aujourd'hui, c'est la thématique de l'humour. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser à chacune et chacun, qu'est-ce qui vous fait rire ? Marcel, allez, je vois qu'elle a le micro à la main. Ce qui me fait rire, c'est les gags, les humoristes en général. Il y en a qui sortent du lot un peu, qui vraiment oui, particulièrement sûr. Vous oui, fait oui, rire ? Oui, bien sûr, il y en a. Le problème, c'est que les humoristes actuels ne peuvent plus rire de tout. Ah, ça c'était un débat en antenne tout à l'heure. C'est assez frustrant, mais j'aimais bien par exemple Coluche, Thierry Leluron, Prévost, enfin des humoristes. Ouais, Et puis, il n'y avait pas trop de limites, pas trop de barrières encore à cette époque. Ouais. Et moi je considère qu'on devrait pouvoir encore rire de tout. Mais bon, voilà. Très bien. Gérard ? Moi, ce que j'aime le plus, c'est les histoires drôles. Ma référence, c'est Coluche. Coluche qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour l'humour, puisque si vous vous souvenez de ce qu'il y avait avant, ce qu'on appelait les chansonniers, c'était quand même assez poli et polissé. Mmh. Il fallait quand même qu'il fasse attention à ce qu'il raconte. Derrière, il y avait une certaine censure. Et Coluche a décrassé tout ça. Et pour moi, je pense, oui, on peut rire de tout. Oui. Absolument. Oui. D'ailleurs, il faut, puisque faut pas oublier que le rire est le propre de l'homme. Quoique là, on vient de s'apercevoir que les singes se font des blagues entre eux, notamment les chimpanzés, ils arrivent à blaguer. Mais non, il ne doit pas y avoir d'interdit, parce qu'on a notre pensée, mais il y a aussi notre pensée, on a la possibilité de la faire dévier et de transformer ça, tout en dénonçant. Coluche, il allait dans ce sens-là, c'est-à-dire que notamment au niveau du racisme, il balançait des blagues hyper racistes, mais justement pour dénoncer ce racisme. Oui, tout à fait. C'est une façon de voir les choses, et pour moi, ça m'allait. Et puis ça me va toujours. Et Coluche, ça reste une référence, puisque moi, on est sur une émission intergénérationnelle. Ouais, mais c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui connaissent tous encore Coluche et apprécient beaucoup. Ouais. C'est resté quelqu'un de très emblématique. Ouais. Et ceci dit, comme beaucoup d'humoristes, comme Michel Leeb, tout ça, maintenant, il ne passerait plus. Il y aurait cet interdit qui tombe, il y aurait des choses qui seraient dénoncées, les politiques s'en occuperaient. Alors qu'on avait des exemples, notamment Général de Gaulle, qui pourtant avait une main mise sur l'information, mais il y a des choses, dès que ça le touchait lui, il n'interdisait pas. Exemple, cet imitateur qui l'imitait à la perfection et qui n'a jamais été interdit, il l'a dit plusieurs fois. Et que maintenant, je pense qu'il y aura une levée de bouclier tout de suite par rapport à tout ce qu'on entend, le racisme, etc. Mais c'est d'ailleurs quelque chose que pouvaient exprimer les inconnus dernièrement, puisqu'il y a des différentes personnes qui disaient « Mais quand est-ce que les inconnus vont se reformer ? Quand est-ce qu'on va revoir des sketchs ?» Mais ils disaient « Ça n'aurait plus du tout la même saveur, parce qu'on ne pourrait plus rien dire. » Se reformer, oui, mais certainement pas sur la forme qu'ils avaient à l'époque. Ouais. Non, il faudrait que ça soit beaucoup plus polissé, tout simplement. Ouais, c'est un ça. Que j'aimais bien aussi, c'était Popek. Ah oui. Même maintenant, ce serait tendancieux. Quoi. Bah oui, parce que on est en plein dans l'humour juif, un juif de l'Est, puisque c'était un Askénaze, et il dénonçait par le rire tous les a priori qu'on entendait. Ils sont radins, ils sont ceci, ils sont cela. Mais maintenant, ça passerait difficilement, alors que Popek, c'était. Il est toujours vivant, Popek. Oui, c'est ce que j'allais. Ouais. Alors Christiane, qu'est-ce qui vous fait rire vous particulièrement? C'est Gérard. Alors, les auditeurs ne voient pas, mais Gérard se montre lui-même du doigt. C'est lui qui l'a fait rire, a priori. Eh bien, moi, j'aime bien ceux qui sont vivants, parce que, c'est sûr, Coluche, c'est quelque chose, voilà. Moi, j'aime bien Stéphane Rousseau, qui n'est pas français. Oui. Bon. J'aime bien Boudère. Ah oui, ça dans me fait un rire. Autre genre, oui. Laurent Gérard, parce que, c'est pas la même chose, mais... Puis Laurent Gérard, il n'y a pas que l'humour. C'est-à-dire que lui, il est beaucoup dans l'imitation. Mais aussi, c'est vrai que c'est un des grands de l'imitation actuellement. Voilà. Mais bon, il y a quand même des sketchs qui font rire dans ce qu'il fait. Hein. J'aime bien Claudia Tagbo. Mm-hmm. Élodie Poux. Ah, Élodie Poux, oui. Mais oui. Ouais. En humour imitateur, j'aime bien Alex Lux aussi. Ah oui ? Mais j'aime pas quand c'est vulgaire. D'accord. Voilà. Par exemple, je ris facilement. Je ris toute seule. Hein. Si on parle de Jean-Marie Bigard, trop vulgaire, non, pas par du. Jean-Marie, j'ai lu son livre, j'ai lu sa vie. Oui. Et on comprend mieux pourquoi il est comme ça. D'accord. En fait. Mais c'est vrai que parfois, c'est lourd. Bon, j'irai pas voir un spectacle. Très bien. Mais voilà. D'accord. Il en faut pour tous les goûts. Ah ben, il en faut pour tous les goûts. Et puis là, il y a un sacré panel. Christiane, elle vient de nous donner un sacré panel. Michel, qu'est-ce qui fait rire Michel ? Beaucoup de choses, moi. Beaucoup de choses. Gérard, par exemple. Voilà. Voilà. Oui. Non, oui, mais hein. C'est vrai que et je suis un public pour lui, apparemment, que bah, je pars facilement, moi. Oui. Ah, faut le micro, Gérard, sinon nos auditeurs c'est, vont pas c'est vous que Michel, elle fait partie des gens qui... je lui raconte une histoire, j'attends deux jours, je lui raconte, c'est bon. Non, c'est pas méchant, parce que mon père était pareil. Ah bon. Non, c'est pas méchant du tout. Il y a des gens qui ne mémorisent pas. Oui, c'est vrai. Et voilà. Ou alors, la première fois, ils rigolent, mais ils comprennent pas. Non, mais moi, une blague, même deux jours après, si c'est une bonne blague, je vais rire. Quoi. C'est... Puis, je pense que j'ai le rire facile aussi, mais bon... Bon public, quoi. Oui, je pense que je fais partie du bon public. Moi, il y a plein de choses qui me font rire, que ce soit film, théâtre, sketch... Maintenant, il y en a tellement qui... C'est sûr que j'ai les préférés. J'aimais mieux, peut-être, comme on disait tout à l'heure, c'était... Il y a tellement de barrières maintenant qu'il ne faut pas franchir. Pour. Il y en avait beaucoup que j'aimais, des anciens, vraiment des anciens. Je vois Pierre Dac avec Francis Blanche. Pour moi, c'était de l'humour pur et dur, quoi. C'était... Moi, j'étais gamine, mais j'adorais ça, quoi. Maintenant, il y a les Baudins qui me font rire, pareil. Ah oui. Moi, les Baudins, je sais que je vais rire, quoi. Et ils abordent plein de sujets, mais discrètement, finalement, moi, je trouve. Et c'est un peu politique, si on veut, mais sans vraiment... Le spectacle à la ferme, là, c'est toujours plus ou moins la même chose, mais ils vont changer les noms. Ils vont rajouter. Ils restent dans l'actualité. Et ce que je trouve bien, parce que je dis finalement, c'est toujours à peu près la même chose, mais dans l'actualité. Oui, c'est évolué. À une époque, la chèvre s'appelait Raffarin. C'était Dalida. Voilà. Ça a peut-être pu évoluer. Voilà. Non, c'est vrai. Et puis, ils sont de Touraine, quoi. Oui, mais oui. Non, c'est pas que ça. Non, mais j'ai le regret de ne pas avoir été voir le spectacle à la ferme. Ça s'arrêtait. Il est peut-être pas trop tard, je crois qu'il y a encore. Ah, mais il faut réserver, je ne sais pas combien de temps à l'avance. Ah, bah oui, mais bon. Ah, bah pour y aller, il faut réserver. Ça, c'est 2025, c'est déjà complet. Oui, mais c'est ça. Maintenant, il faut deux ans pour arriver à voir. Vincent Dubois à la salle Jacques Davidson. À la salle Davidson, il nous a dit que non, le bruit courait, que c'était fini. Non, pas du tout. Ils ont monté un nouveau spectacle et c'est déjà complet pour 2025. Oui, mais on l'avait vu l'année dernière, il me l'avait dit. Moi, je les ai vus en salle, je les ai vus en théâtre, je les ai vus au cinéma et je les ai vus à la ferme. Et c'est là qu'il faut les voir. Ouais. C'est... Oui, non, mais. Alors là, c'est. Comme on dit vulgairement, on pisse de rire toute la soirée. Non, mais puis donc, il y a plein de... Jean-Marie Bigard, c'est vrai que à petite dose, parce que... Moi, je l'aime pas du tout. Je trouve que des fois, ça va trop loin, quoi. Et puis, c'est avant, parce que maintenant, je ne sais même pas s'il y a des émissions qui passent à la télé, on ne voit plus trop. Je ne regarde pas forcément beaucoup la télévision en ce moment. Je me tourne vers Vincent. Est-ce que tu sais si on continue de voir Jean-Marie Bigard, toi, Vincent, à la télé ? C'est-à-dire que vis-à-vis des positions politiques, notamment contre le vaccin qu'il a pu avoir, c'est vrai qu'il a été relativement évincé. Sans être évincé, il s'est un peu auto-évincé du fait de ses positions. Il critique ouvertement le président et la suite, donc je pense qu'il les met de côté. Ils font payer l'addition quelque part. Oui, parce que alors, quand on est politique, on n'est jamais à l'abri d'être critiqué, moqué, insulté. Au niveau de l'humour, c'est leur fonds de commerce, hein, les politiques. Ouais. Mais autrement, il y a les pièces de théâtre, mais les anciennes pièces de théâtre. Enfin, il y a Dîner de con, ça reste. Il y en a des récentes quand même dans ce qu'on voit. Nous. Parce que moi, c'est la télé, c'est pas, on n'a pas des grands spectacles qui viennent comme ça sur Amboise. Mais il y a des pièces de théâtre, moi, des petites parties qui me restent, avec Jacqueline Maillan, J'allais vous le dire. Darry Cole, Jacqueline Maillan, Jean Lefebvre. Robert Lamoureux. Voilà. Ah. Ah, moi, j'adorais ces pièces de théâtre-là. La chasse au canard. Lamoureux. Oui, oui, le canard était toujours vivant. Mais parmi les comiques actuels, il y en a quand même quelques-uns qui brisent un peu les tabous. Je pense en particulier à celui qui vient de faire un film, là, Artus. Oui, ouais. Bien aussi. Ouais. Jérémy Ferrari aussi. Ah oui, alors, parmi ceux qui osent encore, je pense que Ferrari fait partie ouais, de cette élite-là quand même. Ferrari. Donc dans le sketch, Artus, c'est un tueur en série. Et il est interrogé par la police, le commissaire c'est Ferrari, et puis ils veulent savoir où il a mis les... Et puis c'est une suite, t'es forcé de rigoler quoi, alors qu'en fin de compte le fond est pas drôle du tout. Quand il lui dit « Mais tu l'as mis où la hollandaise ? Tu l'as mis où la hollandaise ?» Et il répond « Bah, il faut creuser. Hein. » Mais c'est vrai que dans cette nouvelle vague d'humoristes français, on retrouve aussi Ahmed Silla, sa mère, on a Gad Elmaleh, évidemment. Lui, il est adorable, oui. Ahmed Silla. Oui. Danny Boone, Kanmerad aussi, c'est un bon duo pour les films. Ah ouais. Oh, ben Danny Boone, j'aimais bien son sketch sur le... Le Kawé. Oui. Le fameux sketch du Kawé, je crois que c'est le plus connu. Hein. On n'a pas entendu Yvette. Alors Yvette, qu'est-ce qui vous fait rire ou qui vous fait rire? Moi, c'est-à-dire que ce qui me fait rire des fois, c'est l'inattendu, ce qui n'est pas prévisible et puis qui arrive. Des fois, ça peut faire rire spontanément. Sinon, oui, il y a beaucoup d'humoristes qui me font rire. Après, des anciens, des plus récents. Est-ce que si c'est on assez vous met... varié assez varié quoi comme si on vous met un De Funès, un Bourville, est-ce que ça vous fait toujours rire? Ah bah oui oui. Ouais. Il y a des bons des bonnes choses à voir aussi, pour rire hein. Oui films, c'est plus des films, c'est c'est plus film mais en sketch il y a pas mal de sketchs rigolos après on aime ou on n'aime pas hein, bien sûr. Ça, c'est à chaque personne de juger mais en puis ça fait du bien hein, de rire. Ça fait beaucoup de bien de rire. Les films drôles sont faits pour rigoler. C'est là où ça tient la route. Parce que si tu commences à rigoler une fois que tu as regardé Platoon, bon bah là, tu deviens grave. Quoi. Moi, j'ai envie de faire une différence avec les humoristes qui vont faire un sketch. Oui. Et il y a une variété qui se fait dedans, ce qu'ils appellent le stand-up. Oui. Où en fin de compte, c'est se servir du public et puis prendre des têtes de turc. Et ça, je dois dire que c'est pas... Parce que ça peut être marrant un petit moment, mais quand tu bases un spectacle d'une heure et demie, deux heures, uniquement sur ça, à attaquer le physique et... voilà, ça, j'aime moins ça. Ça peut être fait, hein. Moi, je le pratique très bien, mais il faut que ça soit varié, quoi. Mm. Il faut qu'il y ait... Moi, je préfère le sketch qui tient la route, quoi, où il t'amène au rire, voilà. Et non pas le truc tout de suite, on va dire, t'as vu comment il est gros, machin, et puis t'as toute la salle qui rigole. Bon. Michel, elle a dire quelque chose. Oui. Les blagues qui débutent, c'est les blagues de Toto, moi, je trouve. Parce que je pense qu'à l'école, qui sait qu'à pas raconter des blagues de Toto? Ah oui, c'est par là que ça commence. Oui, moi, je pense. Ouais, hein, ouais. C'est... Enfin, pour moi, hein, je me rappelle à l'école et j'en entendais par la suite avec mes neveux, nièces, ma fille. Enfin bon, qui n'a pas ramené une blague de Toto de l'école, quoi? Oui, c'est vrai. Ouais. Bah oui, Toto. Oh, bah ça reste hein, d'ailleurs encore. Hein. Moi, je pense qu'il y a toujours les blagues de Toto, ça marche toujours. Il n'est jamais parti. Oui, oui. Et alors, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, là, en ce moment, de ce qui se passe, si on parle de France Inter, avec Meurice, là, qui est mis à pied, là, en ce moment, pour des propos. Alors, effectivement, on ne peut plus rien dire, alors, ou est-ce qu'on peut encore se permettre, ou est-ce que... Les médias sont tellement politisés que, effectivement, ces gens-là ont des problèmes. Il y a De Cavrières aussi, le dernier, c'est pareil, il a des soucis aussi, hein. Leurs émissions avancent avec le Belge, là, commençant comme... Et ça va s'arrêter. Hein. Ils vont être aussi limogés. Hein. Et c'est dommage, parce qu'ils sont bien tous les deux aussi. Eh oui. Mais ça soulève quand même des réactions hein, dans le milieu de la radio. Hein. Il y a pas mal de mobilisation pour essayer de freiner cette censure. La liberté d'expression, c'est vraiment plus ce que c'était, quoi, pour l'instant. C'est dommage. Et puis en plus, pour moi, c'est inadmissible. C'est inadmissible que ce soit des politiques ou des journalistes ou des chefs d'antenne qui sont à la botte de quelqu'un et qui mettent en place ce genre de répression. Parce que là encore, c'est quelque chose qui grignote notre démocratie. Et j'ai lu dans un journal qu'on trouve que sur Internet, qui s'appelle Paname, qu'en fin de compte, ils envisagent même que ces humoristes ou d'autres, ils remettent le texte au rédacteur en chef et lui validera si oui ou non ça passe à l'antenne. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? On va en arriver à quoi? À Radio Pariment? Ouais. Radio Paris est allemand. Non, non, pour moi, ça, c'est inadmissible. Ou alors aussi, ils envisageaient de décaler l'émission de quelques secondes de façon à pouvoir couper. Oui, c'est, au cas où. C'est pas normal. Tout ça parce que ça gêne des gens. Mais ça nous fait pas rire. Non, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Qu'est-ce qui fait rire Morissette? Moi, j'ai quand même envie de savoir, parce qu'elle est à côté de moi, Morissette. Moi, ce qui me fait rire, bah, plus je vieillis, moins de choses me font rire. Je pense que c'est avec peut-être tout ce que j'ai autour de moi qui fait que, par rapport à mon travail. Et j'ai beaucoup plus de mal à rire et à sourire à des blagues, les films genre... comme on parlait tout à l'heure, Louis de Funès, des choses comme ça. Ça me fait toujours rire. Mais les blagues, j'ai un petit peu plus de mal. J'ai un petit peu plus... voilà. Je pense que c'est peut-être en ce moment mon histoire, mon travail qui fait ça aussi, qu'il y a des choses lourdes à porter et qui sont un petit peu plus hauts. Mais je souris toujours. Mon sourire est toujours là quand je vais vers les gens. Mais rire, attention, sourire et rire, ce n'est pas la même chose. Hein. C'est complètement différent. Si je peux me permettre, ce n'est pas tout à fait exact ce que tu dis. Parce que souvent, tu me dis que je te fais rire. Oui, parce que c'est toi, Marcel. Mais voilà, quand j'écoute des fois à la radio ou à la télé, effectivement, je ris. Mais c'est très court. Par rapport que quand j'étais plus jeune, effectivement, je riais d'un rien. Voilà, c'est ça que je voulais noter, souligner. Voilà. Très bien, merci Morissette. On ne s'est pas encore fait de blague, mais je crois qu'il y en a qu'on l'avait préparé. Je dis ça, je ne regarde personne en particulier, mais je crois qu'il y a des blagues qui étaient prêtes, alors. On en fait une petite? Allez, c'est une femme qui appelle son mari. Chérie? Ouais, qu'est-ce que tu me veux encore? L'autre jour, j'ai acheté un livre et je ne le retrouve plus. Tu te souviens, il s'appelait « L'art de devenir centenaire ». Qu'est-ce que tu en as fait? Je l'ai jeté. T'as du culot, hein, je voulais le lire. Mais pourquoi tu l'as acheté? Parce que j'ai vu ta mère qui commençait à le lire. On est fâché avec les belles-mères comme ça, voilà, c'est fait. Alors ça, c'est le thème quand même, les belles-mères. Ah là là là là, attention. Hein. Sinon, une histoire de Toto. Alors c'est Toto qui est à l'école et puis la maîtresse, elle lui dit « Récite-moi le verbe marcher au présent ». Alors Toto, il répond « Je marche, tu marches ». La maîtresse, elle lui dit « Mais dépêche-toi ! Plus vite, Toto !» Ce à quoi il répond « Je cours, tu cours, il court. » Je vais intervenir 2 minutes parce que pour moi, quelqu'un qui raconte une histoire drôle, il la raconte sans ses feuilles. Excuse-moi, Gérard, hein, je vais provoquer une... Voilà, moi, le vrai humoriste, enfin, qui a envie de raconter des histoires, il n'a pas de feuilles. Vraiment, c'est sa mémoire qui fait travailler. Oui, mais celles qui me viennent en tête... ne pourrait pas passer à l'antenne. Voilà, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est vraiment, moi, la mémoire des histoires, je ne m'en souviens pas non plus. De toute façon, je ne les raconterai pas en direct tant que la radio ne me paiera pas. Mon cerveau, il fait le tri tout de suite et je ne m'en souviens pas. Désolée, ça, c'est pas pour tout de suite. Voilà. C'est tellement mieux de voir quelqu'un qui cherche dans sa tête, qui réfléchit, qui est là et puis qui change des fois le cours de l'histoire parce qu'il ne s'en souvient plus. Et voilà, moi, c'est le vrai humour, c'est ça. Question de ça, Gérard, il en a un paquet qui raconte... Alors, on lui enlève ses feuilles. Mais on est ici, on est un peu obligé d'édulcorer aussi, quoi. Oui, non, mais puis. Allez, continue. En même temps, c'est vrai qu'il a là, il a ses petites notes sous les yeux, mais il les joue bien, il les interprète bien. Alors, c'est un homme qui va chez un médecin et il se plaint d'avoir du mal à s'endormir. Et le médecin, il décide qu'au lieu de lui donner des médicaments, il lui propose une autre chose. Vous allez prendre chaque soir au coucher un verre de lait. « Et un bain bien chaud, » dit-il à son patient. « Revenez me voir dans une semaine, nous ferons le point. » Une semaine s'écoule et l'homme revient. « Avez-vous respecté ce que je vous ai prescrit ?» demande le docteur. « Pas de problème pour le verre de lait, » dit l'homme. « Mais le bain, j'arrive pas à tout boire. » Bravo. Ah, non, il est chaud. Celle-là m'a fait rire et pourtant je la connais depuis des années. Alors juste avant, c'est marrant aussi. Les gens qui vont raconter une histoire et qui en rigolent avant même de... C'est 3 copines qui veulent s'acheter des glaces. Donc elles s'arrêtent chez le glacier. Les 2 premières sont très jolies, mais la 3e, il y a eu un accident, quoi. Elle n'est pas jolie, jolie. Le vendeur leur demande « Donnez-moi vos prénoms. Moi, je m'appelle Rose, car lorsque je suis née, une feuille de rose est tombée dans mon berceau. » « Moi, je m'appelle Prune, car quand je suis née, une feuille de prunier est tombée dans mon berceau. » Et la 3e, elle dit « Moi, c'est Poutrelle. » Alors, je vais vous raconter une histoire drôle, et c'est une histoire vécue. C'était un ouvrier maçon qui avait tendance à beaucoup picoler sur les chantiers. Et un jour, son patron, il a dit, ça ne peut pas durer comme ça, il faut que tu ailles voir ton médecin parce que moi, je vais avoir des ennuis si je continue à t'employer. Alors, il va voir son médecin. Qu'est-ce qui vous arrive? Ben, il dit, voilà, je viens vous voir parce que mon patron dit que je bois trop. Il dit, vous buvez quoi? Ben, je bois du vin surtout. Et combien? Oh, 6-7 litres par jour. Bon, ben, dans un premier temps, vous allez faire moitié-moitié. Moitié eau, moitié vin. Mais rendez-vous compte, 14 litres, je ne pourrais jamais les avaler. C'est une histoire vécue. Ah, oui. Ça me rappelle des anecdotes sur l'école des fans. Vous ne l'avez pas vu, ce petit garçon où Jacques Martin lui dit, alors qu'est-ce qu'il boit ton papa? Oh, bah, du vin. Et combien? Oh, bah, 3-4 litres. Ça, c'est toujours très sympa aussi, les enfants. La spontanéité, voilà, c'est toujours drôle. Est-ce qu'on a d'autres blagues? Parce que maintenant qu'on a commencé... Enfin, si je peux me permettre. Et non pas si je peux me permettre. C'est aux portes du paradis que ça se passe. Il y a deux femmes qui arrivent en même temps et qui discutent. Et comment êtes-vous morte? Dit l'une. L'autre répond, eh bien, quand je suis rentrée chez moi, mon instinct m'a dit que mon mari était en train de me tromper. Donc j'ai couru dans la salle de bain, à rien. J'ai dévalé les escaliers pour aller dans la chambre, rien. J'ai fait le salon, rien. Je suis descendu à toute vitesse dans la cave, et là, j'ai fait une crise cardiaque. Et l'autre, elle lui dit, si t'avais ouvert le congélateur, on serait vivants toutes les deux. Alors c'est marrant parce que justement, hein, le rapport à l'humour, autour de la table, il y a les gens qui se marrent et d'autres qui... Alors du coup, le curseur de l'indécence, il n'est pas toujours au même endroit pour tout le monde. Une qui est un peu plus osée, on va dire. Est-ce qu'on l'autorise vous à la faire? Toi, vous validez? Allez, on valide. Alors, ça se passe dans le désert du Nevada. C'est une touriste, donc, elle est tombée en panne d'essence. Pas une seule voiture en vue. Heureusement, elle voit un Indien passer à cheval, qui s'arrête et qui lui dit « Montez derrière moi, je vais vous emmener à la prochaine station-service. » Et il repart avec elle au galop. Pendant tout le parcours, il est là « Yahoo, youpi, yahoo !» Il la dépose à la station et il s'éloigne en lançant des « Yahoo, youpi !» à tout vent. Le pompiste, il lui dit « Dis donc, il avait l'air drôlement joyeux, l'Indien. Qu'est-ce que vous lui avez fait ?»« Je ne sais pas, rien du tout. J'étais derrière lui sur le cheval, les bras passés autour de la taille et je me tenais au pommeau de la selle. Mais ma petite dame, vous ne savez pas que les Indiens montent sans selle ?» Ok. On a saisi l'idée, je pense. Alors, c'est une gamine qui rentre de l'école, toute joyeuse. « Papa, papa, tu connais la dernière ?»« Non, bah c'est moi. Ouais. » Moi, je la connaissais ouais, aussi, où c'est « Papa, papa, pourquoi t'as épousé maman ?» Et le père dit « Ah, toi aussi, tu te poses la question. » C'est mignon. Michel, ouais. Une petite blague. Non, moi, c'est parce que je pense à ça, parce que j'ai une de mes sœurs. Elle rit encore quand elle raconte mais là, c'est une situation réelle. Elle va au restaurant avec son mari. Et puis, il voit, il y a un jeune avec des patins à roulettes et qui s'accroche à un bus. Et puis, bon, le bus s'arrête et il redémarre. Le jeune n'a pas eu le temps de s'accrocher. Il fonce sur ses patins à roulettes pour récupérer le car pour s'accrocher. Sauf que, bien élancé, le car s'arrête, il n'a pas le temps de s'arrêter, il est scotché comme une mouche sur le car. Il s'est animé. Ma sœur, qui était au niveau, le voit, part d'un rire, mais tellement partie à rire qu'ils arrivent au restaurant, elle n'arrivait toujours pas à se calmer. Et quand elle raconte cette histoire, elle est toujours dans le même état, à partir à rire, parce qu'elle revoit la scène. Oui. Ouais. Et les chutes font toujours. Ah ben les chutes. On rigole bien avec le malheur des autres. C'est quoi l'émission Vidéo gag. On en rigole, ça. Ouais, même qu'il y en a, sont même dangereuses, qu'on voit que c'est limite dangereux. Hein. On se dit, on veut pas voir la suite parce qu'on se doute que la personne, elle est vraiment pas bien. Mais ça, on rit. C'est, je sais pas, ça vient de notre ventre, de notre. Ouais, voilà. Alors, il y en a plein. Là, qui... La mariée qui tombe à l'envers. Ouais. On se dit, mais c'est pas possible. Là. Comment ils on a sont pu filmer ça fait, souvent, et paf, ils ouais. tombent dans beaucoup l'air. D'eau, oui. Mais avec les animaux aussi. Et les bébés. Il y a beaucoup de... Bon, j'aime bien, mais ouais, comme tu dis, Christiane, ouais. des fois, c'est limite. Hein. C'est limite. On se dit... Des petits chats, des animaux, c'est génial aussi. Enfin, bon, c'est souvent, c'est des situations comme ça qui peuvent oui. amener... Et moi, je dis, on a besoin de rire. Oui. Surtout, quelque part, il faut accepter le rire quand on n'est pas bien. Parce que ça aide à s'en sortir. Mmh. Parce ah, que moi, personnellement... Thérapie. Moi, ici, ça m'a aidé de retrouver le rire. Hein, parce que... Oui, oui, ça... De toute façon, c'est physiologique, c'est, hein, c'est voilà, les ouais. hormones du bonheur, oui, voilà. c'est dans le rire, c'est dans tout plein de choses, dans l'affection. Oui, voilà. Mais oui. Le rire, ça équivaut à une séance de gymnastique, ouais. au niveau de la production d'endorphines, etc. Et ça, on en a besoin, puisque l'endorphine, c'est, le corps peut l'oublier. Si on vit dans un monde, dans la tristesse, le corps peut oublier de la fabriquer. Donc il faut absolument déconner, hein, raconter des bêtises, et puis voilà. Vous en voulez une petite ? Allez. J'ai pas fini. Hein. Alors c'est un dimanche, à 6h du matin. Un homme se lève sans faire de bruit pour ne pas réveiller son épouse. Il charge son VTT dans la voiture et s'en va. Arrivé sur le parcours, il se met à tomber des trompes d'eau. Sa matinée est foutue, il décide de rentrer chez lui. Il rentre, il se déshabille sans faire de bruit et se recouche tout doucement tout près de son épouse. Et il lui chuchote à l'oreille. Il pleut comme vache qui pisse. Et elle répond, quand je pense que l'autre con est en train de pédaler. Ah, non, sincèrement, celle-là, je la connaissais d'une autre version, mais c'est deux collègues qui sont en train de terminer le déjeuner à la cantine. Le premier, après avoir coupé une poire en deux, aligne les pépins sur la table. Son collègue lui demande, mais pourquoi tu fais ça ? Tu ne sais pas que les pépins mangés à part rendent plus intelligent ? Lui répond le premier. Tiens donc, je peux essayer ? Ok, ça fait 4 euros le pépin. Comme il y en a 8, tu me dois 32 euros. Le type, il paye et il mange les pépins. Puis soudain, il lance. Quand même, tu me prends pour un idiot ? Pour 32 euros, j'aurais pu m'acheter plusieurs kilos de poire. Tu vois, les pépins font déjà effet. Et ouais, mais c'est marrant parce que je trouve qu'au final, quand on regarde, là, on est en train d'échanger, de se raconter des blagues et on en oublierait presque de prendre le micro parce que, oui, c'est vrai. Hein, on est finalement dans un échange. C'est même plus une émission de radio, c'est un rendez-vous entre amis, moi, je dirais. C'est devenu ça, oui. Je peux ? Ah, mais oui, Gérard est lancé. Ça se passe dans le milieu paysan et là, ils se rendent compte que c'est toujours le même fermier qui rapporte le plus de lait à la fromagerie. Pourtant, tout le monde sait dans le village que ce fermier, il n'a pas beaucoup de vaches. Alors, comment fait-il ? Intrigués, les autres fermiers décident d'aller lui poser la question. « Mais comment fais-tu pour obtenir tant de lait avec si peu de vaches ? C'est quoi ton truc ?»« Ah, oh, c'est tout simple. Je le savais, tu utilises des produits spéciaux. »« Mais non ! Où tu vas chercher ces idées ? Des produits spéciaux pour les vaches ? Mais non ! Alors comment ? Ben, c'est bien simple. Le matin, quand je vais traire mes vaches, pour les motiver, je leur pose toujours la même question. « Alors mes petites, ce matin, qu'est-ce que vous me donnez ?» Du lait ou un steak ? Un jeune père, il discute avec son collègue. Mon fils marche depuis 4 mois. Oh là là, il doit être loin maintenant. Ah, c'est toujours efficace. Hein, hein ? Ben voilà. Ah, ça dit, si on parle de durée d'histoire, vous vous rappelez de Guy Montagnier ? Ouais. Dans Les Grosses Têtes, c'est ça qui, ouais. qui oh, commençait ouais, une ouais, histoire et oh là là là là. Et alors ? Il y en a qui sont doués hein, pour ça. Hein. Ouais. Les Grosses Têtes avec. C'était Philippe Bouvard. Avec Philippe Bouvard. Eh oui. Moi, je trouvais ça beaucoup plus drôle, oui. que maintenant. D'abord, je n'écoute plus depuis longtemps. Hein. J'écoute au début. C'est qui maintenant ? Maintenant, c'est Ruquier. Ah oui, d'accord. Mais, avec Bouvard, avec Sim, avec Sim. Alors là, les auditeurs, ils n'ont pas l'image, mais Yvette, elle nous a fait le petit rebond du siège de Philippe Bouvard, effectivement bien connu. Sim, puis toute la bande qu'il y avait de cette époque-là, c'était Médic. Il y avait Castelli, c'est ça, je me trompe pas. Oui, il y avait Philippe Castelli. Oh là là là. Il te racontait ça d'un ton monotone, tout ça. Il faisait sa chute, elle était des fois nulle. Il fallait... Oh, il y avait toute une pléiade. Oui, moi, il y avait... Il y avait Sim, il y avait... Ah, c'est les noms, moi, c'est les noms. Oui, moi, c'est les noms qui viennent plus. Il y avait l'amiral Kersauzon. Ah oui, Kersauzon. Kersauzon, en plus, une cervelle très rapide et très intelligente. Mais moi, j'adorais ça. Et le lendemain, je racontais ça à mes collègues, les blagues que j'avais entendues. Discrètement, parce qu'on n'avait pas, pas le droit de parler. Mais Et une que j'aime beaucoup aussi, c'est Madonna niçoise. Ah bah oui. Ah oui. Ah oui. Ah bah oui. Oui, oui. Ah oui, parce que je le vaux bien. Il me montre la bouffe. La bouffaïs. Il me montre la bouffaïs. Alors, personne n'a parlé d'Anne Roumanoff, par exemple. C'est... On vient juste d'en parler. Ah, ah bah voilà. En bien, ou vous aimez bien, ou pas trop? On aime bien, mais... J'aimais mieux avant. De toute façon, là, oui. Vous avez remarqué qu'on ne la voit plus, parce qu'elle a été écartée aussi pour des prises de position. Ah oui, d'accord. Parce que là, c'est pareil, hein, c'est très tranché, les avis sur Anne Roumanoff. Ouais. Hein, on a des gens qui vraiment n'aiment pas du tout. J'aimais mieux avant, moi. Ah oui. Moi, il y en a un que j'ai suivi pendant quelques années parce que il s'appelait Pierre Péchin sur Europe 1. On l'a avec les collègues, on l'a souvent ramené chez lui parce qu'il se mettait dans des états pas possibles. Alors ce humoriste, il n'écrivait absolument rien, il s'était inventé des personnages, le général de Verdel et tout ça, et il tenait l'antenne toute la matinée et après en soirée. Et c'est pareil, bah, ce type, il a disparu du jour au lendemain. Pierre il est Péchin. Décédé maintenant. C'était de l'humour grave. Les chansonniers, dit Christiane. Je suis pas sûre qu'on entende bien parce que le micro est loin, mais ouais, alors mais comme les une certaine époque, les chansonniers aussi. Oui. Avec Anne-Marie Carrière. Mais bon, c'est pareil. Il y avait pourtant, il faisait aussi de la politique. Hein. Oui. Mais il y avait de l'humour aussi, donc là, ils avaient le droit encore. Là, ce serait fini maintenant. Ces personnes-là. Jean Vaillard. Pierre Jean Vaillard, je cherchais lui. Lui, il était très. Ouais. C'était un gaulliste, ouais. Mais il descendait bien. Oui. Il y avait Micheline Dax aussi. Oui, Micheline Dax, oui, tout à fait. Toute la journée. Anne-Marie Carrière. Le sketch de l'homme est un cochon. Moi, j'en ai un qui me revient, c'est Las Palès et Chevalier. Ah oui. Alors, ça me fait toujours rire, ce sketch, je le connais, mais à chaque fois, ça rigole. Et tu sais quelles questions, peut-être encore maintenant, mais les questions qu'ils se posaient, les journalistes, sur Las Palès et Chevalier. Est-ce que Las Palès jouait vraiment un rôle ou il était vraiment comme ça? C'est-à-dire avec cet aspect un peu bébête, neuneux. Parce que si c'était un rôle, il continuait même dans la vie de tous les jours. D'accord. Et ça, c'est ça que t'es fort. Ouais, ouais. Oh, moi, ça me fait rire à chaque fois. Les chevaliers du... Ah, les chevaliers du fiel. Ah oui, les chevaliers du fiel. Les chevaliers du fiel, ouais. C'est pas mal aussi. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, il y a aussi ces duos, finalement, très connus, parce qu'on a le one-man show, l'humoriste tout seul, et puis des combinaisons comme Éric et Ramzy, comme Cad et Olivier. On parlait de Cad Merat tout à l'heure. Vous vous souvenez des Frères Ennemis? Alors moi, non. Ah, c'est ancien. Il y en a un des deux qui a disparu, et à l'heure actuelle, ça fait au moins 40 ans, 30 ans qu'il a disparu, et personne ne sait où. Ah oui? Ah, tiens donc, je ne connais pas ça. Donc celui qui est resté, il a essayé de se lancer justement dans... Bon, ça n'a jamais accroché parce que c'était le duo qui fonctionnait. Acero, moi j'ai vu Acero dans leur pièce de théâtre là, avec Jean Poiret. Ah, la cage aux folles. C'est à hurler de rire. Quoi. La cage aux folles. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et ben Acero, il a même pas besoin de parler, quoi. Surtout dans la cage aux folles. Moi, il y a un moment où il veut beurrer sa biscotte et il pète la biscotte. Moi, j'aime les films en noir et blanc. Oui. Des années 50, style Audiard, tous ces... Ou les Bagnoles, avec des Fernandelles magnifiques aussi. Henri-Georges Clouzot, tous ces films-là. C'est avec des acteurs comme Paul Meurice, tout ça. Cette classe-là qu'il avait. Non, ça dépend. Il y a un film où il se balade avec son revolver, là. Puis le bruit des balles, tu sais, avec la balle qui est avec le silencieux. C'était magnifique. Et oui, puis il y en a qui ont cette capacité à faire rire simplement avec la mimique. Ah oui. C'est un métier, hein. La semaine dernière, il y a 15 jours maintenant, j'étais à Paris et je suis allé au théâtre. J'ai été voir une vieille pièce qui s'appelle Le Don d'Adèle. Moi, je l'avais déjà vue il y a très longtemps avec, pour ceux qui se rappellent, de Monique Tarbès. Ah oui, aussi. Je l'avais vue et là, j'ai vu avec une nouvelle troupe, quoi. Et la jeune femme qui joue donc le rôle d'Adèle... elle fait partie de ces gens où tu la regardes et tu as envie de rigoler, quoi. Elle a un don. Tu sais, cette espèce qu'ils ont quand on vient de leur dire quelque chose et puis ils se tournent vers le public comme s'ils demandaient le sentiment du public, tu vois. Là, oui. T'es forcé de rire. T'es forcé de rire. Il y en avait une qui était balèze aussi là-dessus, c'était... Comment elle s'appelait ? Enfin, son nom ne va pas me revenir. Mais... Ah si, il y en a une un jour qui m'avait fait rire au théâtre, pourtant c'était une vieille dame, Madeleine Barbulé, avec sa petite voix toute douce, et vous chercherez, vous la connaissez, c'est sûr. Avec sa petite voix toute douce, elle disait des énormités. Et c'était très drôle, en fin de compte, d'entendre. Ah, ça, ça marche aussi pas mal, ça. Oui. On a des artistes humoristes actuellement qui ont aussi cette capacité, si on pense à Laura Lou. Fernandel, il avait juste besoin de te regarder et de rigoler. Et puis c'était, oui. C'était bon. Ah, oui, oui, je me rappelle d'un tango corse où, à un moment donné, il s'arrête et le public est plié en quatre. Ouais. Hein, oui. Oh, Félicie. Ah, bah, Félicie. Henri Salvador avait le pouvoir de faire un. Il a fait un sketch sur le rire. Il commence son sketch en disant « Comme je suis un flemmard, je me suis enregistré. J'ai enregistré mon rire. » Et il passe son rire, il rigole et toute la salle rigole. Et son sketch, c'est uniquement des rires. Bourvil, moi je dis, c'est un humoriste, mais en même temps, un acteur et un chanteur. J'adore sa chanson « Un oranger ». Ah c'est oui, là, c'est oranger, plein de douceur, c'est plein de la tendresse. Mais aussi, même dans son des... cinéma, parce qu'il a fait des films où il n'est pas drôle du tout. Oui, oui, il a fait. Voilà, quoi. C'est des gens qui étaient vraiment des acteurs complets. Oui. Montant dans la folie des grandeurs, quand tu réunis avec De Funès. Mais oui, c'est ça, c'est Louis de Funès. Louis de Funès. Il savait associer avec un autre qui. Ça marchait bien, parce que lui tout seul, moi, je ne suis pas fan. Oui, très, voilà. Très expressif. Oui, oui. Mais la grande vadrouille de Bourvil, pour moi, c'est lui qui porte le film, pour moi. Je peux vous faire une petite histoire ? Je croyais qu'il allait nous dire « Je peux vous imiter Bourvil ». J'attendais mes chaussures non, et mon vélo. Non, j'ai laissé mon vélo. C'est après quelques années de vie commune, un jeune homme décide de se marier avec sa petite amie. Comme il n'est pas du tout au courant des traditions, à la fin de la messe, il s'approche du curé et il lui demande « Excusez-moi mon père, mais je sais qu'il est dans la tradition que les jeunes mariés fassent une offrande au prêtre qu'il ait à célébrer le mariage. Mais je ne sais pas ce que les gens donnent en général. » Le prêtre lui répond dans le creux de l'oreille. « En général, c'est en fonction de la beauté de la mariée. Plus elle est belle, plus la somme est élevée. » À ces mots, le jeune homme se tourne vers sa femme. Il hésite quelques instants, plonge la main dans sa poche et tend une pièce d'un euro au curé. Le prêtre, compatissant, lui dit « Ne bougez pas, je vais vous rendre la monnaie. Oh. » Marie-Cette a dit « Oh là là, c'est dur, mais c'est drôle. » C'est une blonde qui rentre dans un bar et puis elle s'approche du barman et timidement elle chuchote « Où sont vos toilettes ?» Le barman lui répond « De l'autre côté. » Alors la blonde, elle se déplace à l'autre oreille, elle lui dit « Où sont vos toilettes ?» Et moi, je trouve qu'on devrait faire la blague de Gégé. On devrait créer une nouvelle chronique sur Radioactive. Avec. Ouais, alors ou même la blague quotidienne. Moi, j'en ai une qui se passe dans un bar. C'est un client qui arrive, il dit servez-vous un verre de blanc et dépêchez-vous avant que ça commence. Alors, il sert un verre de blanc. Bon, remettez-moi ça avant que ça commence. Il lui resserre un verre de blanc. Troisième fois, mettez-moi ça, ça commence. Mais monsieur, ici, ce n'est pas une salle de spectacle, rien ne va commencer. Et à ce moment-là, il y a une dame qui rentre en furie. Tu devais m'attendre à la porte du médecin et je te retrouve au bar. Ben, voyez, ça commence. Je vais raconter une petite blague de Toto. Ouais, vas-y. Enfin bon, ouais, je suis obligée d'avoir papier parce que j'ai pas de mémoire pour les histoires. Morissette, alors, elle a mis la pression, Morissette. En classe, le prof interroge Toto. Donne-moi le nom d'un liquide qui ne gèle pas. L'eau chaude, monsieur, répond Toto. C'est gentil. C'est deux gars qui discutent. Le premier, il dit « Et si je couche avec ta femme, on sera encore amis ?»« Non, on sera ennemis. » Non. On sera quoi alors? On sera quitte. C'est une femme qui se regarde debout dans la glace. Elle dit à son époux « Oh, je me trouve horrible à regarder. Grasse, ridée. J'ai besoin d'un compliment. » Le mari répond « Oh, t'as une bonne vue. » Alors justement, une histoire, c'est dans un musée. Il y a un visiteur qui est devant Picasso. Il dit « Mais qu'est-ce que c'est moche ? » « Oh, c'est affaire de goût, quoi. Mais c'est que ce tableau, là, le cadre, il est magnifique. Mais le sujet, il est vraiment très moche. C'est pas un cadre, c'est un miroir, monsieur. Ça se passe après une belle nuit d'amour. Le jeune homme se tourne sur le côté et aperçoit sur la table de nuit la photo d'un autre homme. Alors il est un peu inquiet. « C'est ton mari ?» demande-t-il à sa jolie compagne. « Mais non, idiot !» lui répond-elle en se blottissant contre lui. Son regard reste inexorablement attiré par la photo. « C'est ton petit ami alors ?»« Mais non, pas du tout !»« Mais alors c'est qui ?»« C'était moi avant l'opération. Oh » oh, allez. Moi j'en ai une débile, vous avez peut-être même pas à rire, allez, mais elle est débile. Donc force à rire, promis. Qu'est-ce qui est vert et qui saute de branche en branche? Je vous avais prévenu. Un chewing-gum à la chlorophylle collé au derrière de Tarzan. Je vous avais prévenu. Mais elle est pas mal. Moi j'en ai une de Toto. C'est Toto qui arrive à l'école avec son sac et à la queue de la chatte qui dépasse du sac. Le maître lui dit, pourquoi t'as amené ta chatte en classe? Parce que ça fait plusieurs matins que j'entends le facteur qui dit « Ma mère, dès que t'es partie, je te mange la chatte. Ah » Mais dis donc. Vous voyez que plus l'émission avance, plus on monte d'un cran. C'est une femme qui vient de perdre son mari. Et a une amie qui lui rend visite et puis elle se confie. « François était merveilleux, il a pensé à tout. » Il m'a laissé 3 enveloppes à ouvrir après sa disparition. Dans la première, il y avait 2000 euros avec ce mot « pour la messe et les fleurs ». Dans la deuxième, il y avait 3000 euros avec ce mot « pour le cercueil en acajou ». Dans la troisième, il y avait 10 000 euros avec ce mot « pour la pierre ». Et elle tend la main vers son amie, elle lui dit « qu'est-ce que tu penses de ma bague ?» Sinon, il y a les monsieur et madame ont un garçon, ont une fille. Ah oui, monsieur, madame. Monsieur et madame Mavallée, ils ont eu 2 filles. Colette et Berthe Mavallée. Ouais. Monsieur et madame bien regardé, ils ont eu un fils. Non, Thomas. Thomas bien regardé. Il y a une fille aussi, et ça c'était quand ma fille était au collège. L'époque de ta mère. Ta mère, elle est tellement petite, quelque chose du deux. Voilà, il y avait toute cette série-là. Et tous les jours, elle revenait avec un nouveau truc. Elle était très contente de me sortir. Ah, il y a des modes. Ouais. Eh bien, en tout cas, on en aura appris des bonnes. Aujourd'hui, on aura bien rigolé ensemble. C'était un bon moment. On a fait le plein en quoi, Gérard ? En endorphine. Endorphine. On aura fait le plein. Mais merci à tous de votre participation. Et la prochaine fois qu'on se voit, on parlera des méthodes éducatives. Alors, ce sera peut-être un peu moins drôle. Hein ? Donc, eh ben, on se retrouve très bientôt. Merci à tous. Une très belle fin de dimanche à nos auditeurs sur Radioactive. Elle a l'œil vive, la fesse fraîche et le sein arrogant. L'autre sein, l'autre œil et l'autre fesse y tout également. Mais ça n'est pas monotone. Et même quand c'est l'automne, je m'écris en la voyant. Tiens, voilà le printemps. Marcel, si j'avais des ailes, je volerais grâce à elle. Marcel, vers la plus belle des jouvencelles, celle qui a pris mon cœur, ta petite sœur. Poum, poum, je poserai sur sa bouche un baiser farouche, puis je baisserai les stores à cause des mouches. Pourquoi cet œil noir, Marcel? J'ai pourtant fait la vaisselle. N'aimerais-tu pas ta sœur? N'as-tu pas de cœur? Marcel, j'ai fait la vaisselle, j'ai descendu la poubelle. Marcel, j'ai mis du sel au vermicelle. Quoi que mieux les nouilles au beurre, moi je préfère ta serre. Poum poum.